Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 et toujours comme à l'habitude, on prend une heure, un début de fin de semaine pour plonger dans la sphère, dans l'univers du 9e art. Et ben sporadiquement, il y a quand même pas mal de sorties BD québécoises, quelques-unes qu'on choisit de vous amener aux oreilles et quelques-unes dans ces lots-là qui, d'emblée, avant même leur sortie, semblent vouloir s'imposer comme des incontournables. C'est le cas du Paul à la maison de Michel Rabagliati qui ouvrira donc l'émission de cette semaine en deuxième moitié. D'ailleurs, on tombera plutôt dans de la descente de pile des commentaires, des critiques, des actualités BD. On avait envie, je disais, un peu incontournable, puisque c'est le 9e de la série des Paul, une série qui a fait sa marque dans le panorama BD québécois, dans le panorama littéraire québécois également, et plus largement, et également ben un incontournable qui s'est avéré tout aussi incontournable à la lecture. Alors on avait doublement envie d'en jaser, et l'auteur est avec nous au bout du fil, Michel Rabagliati, bonjour. Bonjour, bonjour Raymond. Alors, un nouvel album de Paul, et c'est le premier d'ailleurs de la série qui nous amène résolument vers l'aujourd'hui, vers l'actuel, vers le maintenant ou presque, le plus ou moins 5-6 ans. Dans les précédents opus, il y avait toujours un mur d'années, si on peut dire, entre Paul et Michel Rabagliati. Impression avec Paul à la maison qu'on met de côté le mur d'années et qu'on nous amène le à la jonction entre le Rabagliati d'aujourd'hui et le Paul d'aujourd'hui. Ah ben vous avez tout à fait raison, c'est un peu ça qui se passe. En fait, on peut dire que Paul à la maison, c'est la suite de Paul à Québec, dans le fond, parce que dans Paul à Québec, le personnage avait 38 ans, et puis on l'a jamais vu plus vieux que ça, en fait. Ici, on le voit 15 ans plus tard, là, il y a 51 ans là-dedans, et puis ben on se rend compte que durant ces 15 années-là, des choses ont changé, le couple s'est séparé, donc on voit plus Lucie, il y a des choses qui arrivent dans le livre aussi. Bon, la petite fille qui était Rose au début des aventures de Paul, elle a à peu près 5 ans, ici elle a 20 ans, elle s'en va vivre en Angleterre. Donc le temps a passé, c'est une famille normale dans le fond, là. Et puis le temps a simplement passé, et puis on se retrouve plus tard avec le personnage. D'ailleurs, graphiquement, le personnage a changé, il a une barbe, il est plus gros, il est plus pesant, on voit qu'il est plus vieux, puis notamment, il est plus déprimé aussi. Oui, et peut-être, en fait, justement, c'est un peu le cœur de l'album, le cœur de ce récit, où je l'ai reçu un peu, un album, en simplifiant un peu, là, mais c'est beaucoup un album pour moi sur la solitude, sur l'ennui, sur un certain spleen, une perte de repères, disons-le comme ça. Oui, oui, exactement, c'est de ça que je voulais parler. Je voulais pas parler de séparation, de toute façon, ça intéresse personne, les tenants et aboutissants d'une séparation d'un couple, ça, évidemment, des fois, ça prend fin pour diverses raisons. Puis pour moi, c'était pas vraiment intéressant. Puis je voulais garder ça privé aussi. Hein. Parfois, les gens pensent que je raconte tout, mais il y a des gros pans de ma vie qui sont comme dans les tiroirs. Puis ça, j'en parle pas. Ça sera pas public. Ici, je voulais raconter une histoire. Je voulais parler de solitude. En effet, c'est ça, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est les contre-coups d'une séparation à cet âge-là, après 30 ans de mariage, et puis les choses aussi, dans le fond, ont changé, se déglingue un peu autour de lui, parce que, bon, il perd, on comprend que sa mère est malade, puis il est en train de la perdre, et puis il s'occupe d'elle dès le début de l'album, c'est surtout ça qui mobilise son temps. Quand il rentre chez eux, ben là, on se rend compte que tout de suite, les choses ont changé, il n'y a plus personne dans la maison, et ça, il est tout seul dans un bungalow dans le nord de la ville, et puis son chien, il parle avec son chien. C'est que vraiment, le paysage a changé. On est vraiment loin de Paul à la campagne ou Paul à un travail d'été ici. L'atmosphère est beaucoup moins guillerette. C'est un homme de 51 ans qui se retrouve avec ses questionnements dans une sorte de no man's land affectif, là. Et on se demande qu'est-ce qu'il fait. En fait, c'est qu'il est sur le tapis roulant de la vie, puis c'est les jours qui passent, en fait. Là, il n'y a pas rien de spécial qui se passe dans sa vie, à part qu'il est on le voit auteur de bande dessinée, parce que évidemment, 15 ans après Paul à Québec, c'est devenu son métier. Hein. Dans Paul à Québec, il était illustrateur. Là, les années ont passé, il a commencé à faire de la BD. D'ailleurs, il travaille sur son 6e album. Dans cet album-là, on le voit donc en train de travailler sur Paul au parc. Et j'ai l'impression que c'est un peu, ça m'apparaît être un bon défi pour un auteur de réussir à nous amener dans la solitude, à faire un album dans le fond sur l'ennui, mais sans que l'album soit lui-même ennuyant, si on peut dire, mais qu'on puisse quand même bien comprendre un état d'esprit. Il était, ben c'est ça qui était question au début. Je me disais, bon, est-ce que c'est racontable, ce truc-là? Ici, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Comment l'amener? Comment aussi ne pas blesser mon ex-femme avec ça? Parce que c'est quelque chose que je voulais faire. Je voulais garder privé entre nous. Je voulais pas parler aux gens de qu'est-ce qui s'était passé. Puis, bon, et les gens savent bien que c'est inspiré de ma propre vie. Donc, je suis resté très discret là-dessus. En fait, le déclic s'est fait quand j'ai compris que j'étais pour commencer l'album avec le personnage seul, en scène, puis that's it. Puis, on voit pas le personnage. On voit pas l'ex-femme de pas, ou très peu en tout cas dans le livre là. Et puis ça a été un peu la clé pour partir ça. Là, évidemment, la deuxième partie de la chose, c'était comment rendre la solitude, l'ennui, la platitude, les jours qui passent intéressant pour le lecteur. C'était là qui était le défi scénaristique. Mm-hmm. Là. Donc, il y a beaucoup aussi d'apaisement comique. Au détour d'une page, j'essaie de remettre un peu de gaz là-dedans pour que le lecteur y trouve son compte et qu'il y ait du plaisir. Je pense que c'est un livre assez captivant, d'après ce que j'ai entendu. Mes éditeurs l'aiment bien. Ils trouvent même que c'est le plus drôle, en fait. C'est un peu comme un film de Woody Allen. Dans le fond, Woody Allen se tape joliment sur la tête tout le temps dans ses films. Mais finalement, qu'est-ce qu'on trouve ça drôle, finalement? Oui, puis en fait, puis ça nécessite, j'imagine aussi pour l'auteur, un certain sens de l'autodérision, d'être capable de vivre d'avoir vécu une situation qui est relativement difficile, qui n'est pas exactement celle de l'album puisqu'on est quand même dans l'autofiction, mais après ça, de réussir à trouver de l'humour à l'intérieur de ça et ensuite de nous mettre sans scène justement pour d'un côté nous amener, nous faire sourire, nous faire rire, de l'autre côté nous faire ressentir un range d'émotions assez, ouais, assez vaste, assez large. À travers un jeu d'équilibre, finalement. Oui, ouais, parce que la solitude, dans le fond, elle est là beaucoup dans les décors. Hein, en fait, j'ai fait exprès dans le monde. Donc, Paul rencontre pas grand monde dans cet album, à part sa mère. Donc, il parle à sa mère. Mais le reste du temps, il est en réflexion intérieure. Il y a de la narration, évidemment, plus en haut des pages, parce que ce procédé-là demande ça. Donc, la narration en haut, souvent les cases, c'est sa propre réflexion. Il parle de son atelier, il parle de ses problèmes de santé, où j'ai appuyé aussi beaucoup là-dessus. Je trouve que ça amplifie un peu son sentiment de solitude. Il est pris avec des trucs comme genre un mal de dents, faut qu'il se fasse mettre un implant, il souffre d'apnée du sommeil, il y a toutes sortes de petits bobos comme ça qui surgissent, il a tout le temps mal à la tête, il se demande pourquoi. Donc il est pris avec ça, il est pris avec ça seul aussi. Puis au détour d'une page, ben là, il va chez le dentiste, puis j'en profite pour faire quelque chose de drôle avec ça. Donc, comme je peux pas faire seulement de la déambulation urbaine, je le fais circuler, il va à la banque, il fait du jogging, il parle de typographie aussi, là-dedans, c'est une passion. Moi, j'ai la typographie, je profite de certaines respirations dans le livre pour parler de mes petits tocs. Comme ça, je suis un amateur de typographie, puis j'en parle. Je parle aussi de différents outils de dessin. Je me dis, ça peut peut-être intéresser le lecteur. J'essaie de rendre ça ludique. Et puis, ensuite, je reviens à la colonne vertébrale du récit, c'est-à-dire le temps qui passe. D'ailleurs, le livre est ponctué par un arbre qui se dégrade. Hein. Le livre aurait pu s'appeler le pommier. Ici, c'est un pommier qui tranquillement perd ses feuilles d'un côté. Ensuite, la branche est coupée, il meurt. L'autre côté se met à mourir. Finalement, le pommier est complètement mis à terre à la fin, puis ça représente un peu, ça reflète un peu l'état d'esprit de Paul là-dedans. Également, comme sa piscine, il y a une piscine en retard qui n'arrive pas à partir, il n'arrive pas à avoir une eau claire, l'eau est toujours trouble. Et puis jusqu'à la fin de l'été, puis finalement, il met la toile d'hiver, puis son chien est mort, comme on dit. Il n'arrive pas à avoir... Donc, c'est un peu une espèce de métaphore par rapport à son état d'esprit, qui lui également est trouble. Oui, bien, quand on vit l'absence, quand on finit par perdre certaines motivations, puis on fait l'essentiel, ou on a l'impression que le travail, l'album, que les présences, le salon du livre, c'est des éléments comme ça qui permettent de rester connecté avec une certaine réalité, mais que le désir de tout mettre de côté, puis de juste... plus rien faire, dans le fond, on reste présent aussi. Ouais, mais en fait, on voit bien que le dessin le sauve parce qu'il est en train d'élaborer un album. Puis un des seuls endroits où on le voit un peu apaisé ou souriant dans l'album, c'est à la page justement 94 où il est en train de faire une page de bande dessinée. Il sourit en regardant ça. Puis là, on voit qu'il est comme bien, il est comme apaisé, il est dans son élément, ça le tient en vie. Comme il dit, j'ai envie de parler à quelqu'un. Fait que pour lui, parler à quelqu'un, c'est faire des dessins, faire des pages, raconter à un futur lecteur qui n'est pas encore arrivé, évidemment, là, qui est un futur lecteur qui va peut-être connecter à cet album-là qu'il est en train de faire. Et dans la relation, vous avez choisi, Michel Rabagliati, de mettre de l'avant votre relation et la relation de Paul, par extension, avec sa mère. Et c'est pas un choix au hasard dans la mesure qu'à travers aussi cette relation-là, on explore un autre pan de la solitude, un autre pan de vieillir seul, si on peut dire, d'une relation aussi avec l'espace, un certain enfermement aussi. Ouais. Donc j'imagine que dans le choix d'événements, parce que de ce que j'ai compris au fil des entrevues, vous en avez vécu plusieurs deuils malheureusement. Le père, l'animal de compagnie, la relation amoureuse, mais faut pas mettre vous avez choisi plus cette relation-là comme étant peut-être plus parlante pour le récit que vous voulez nous proposer? La relation avec la mère, en fait, c'est que moi, en fait, je profite aussi, parce que c'est effectivement tout ça arrivé un peu en 2012. J'ai perdu ma mère et puis je me suis séparé, puis tout ça, puis ça correspond aux années. Donc, j'ai choisi peut-être la pire année de ma vie, j'en profite aussi pour parler de ma mère comme du monde, on dirait. Je voulais faire un portrait propre de elle, parce que on l'a vu souvent dans les albums. Je pense pas que je vais en reparler de ma mère, en tout cas pas autant, d'une façon aussi élargie. Là. Je voulais vraiment dire aux gens, j'avais envie de raconter aux gens, ben voici une femme ordinaire qui s'appelait Aline, voilà sa vie, c'est comme ça qu'elle est née là, sur la rue Clark, puis c'est comme ça qu'elle a été élevée, puis elle n'a pas eu beaucoup d'éducation, elle est allée travailler dans les manufactures, puis elle a rencontré son mari quand elle était jeune dans une danse de paroisse, etc. J'avais envie, moi, de faire ça pour aussi me rappeler d'elle, puis c'est un peu une espèce de... c'est un hommage que je lui fais à elle, puis c'est une espèce de... C'est un album photo que j'ai monté pour moi-même, dans le fond, pour me rappeler à son souvenir. Tu sais, je voulais la graver sur papier, puis souligner ça a été quoi sa vie à elle, là, tu sais. On voit qu'il y a une relation, la relation est avec la mère tout le long, lorsqu'elle est vieille, elle est pas si chaleureuse que ça, mais j'ai essayé de faire un portrait juste de la relation que j'avais avec ma mère, là. C'est un portrait juste d'une femme des années 60, qui faisait de la cuisine Jeanne Benoît, puis qui restait à la maison, et puis etc., puis qui était très portée un peu sur sa beauté, donc, et puis on avait des vacances à Wildwood. C'est vraiment une petite famille bien, bien normale de Rosemont, de Montréal. Et j'ai l'impression, parce que à la lecture, puis j'essayais de me mettre dans la peau de l'auteur d'une certaine façon, je me disais, ça doit être un album côté écriture, donc évidemment, il y a eu des années quand même, on parle du présent, mais comme on l'a dit, on est en 2012, ressasser un peu des émotions, peut-être un peu comme dans Paul à la pêche, comme dans Paul à Québec, dont on parlait tantôt, où on est dans des spectres d'émotions qui ont dû être vives au moment où ils ont été vécus, et de revenir un peu sur ces émotions-là, c'est de reprendre contact ou de reprendre un autre type de contact, un côté presque bilan, un regard un peu plus éloigné avec des émotions difficiles, avec des périodes difficiles. Ouais, mais on peut dire que moi ça me sent comme je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de mémoire, en fait. J'ai beaucoup de mémoire pour les décors, les objets, ces trucs-là, mais les événements de ma vie, on dirait qu'ils sont tous mélangés puis tous troubles. Puis ce livre-là, ça m'a permis de faire un peu d'ordre là-dedans, puis de asseoir ça, puis de mettre les événements en ordre, puis ça m'aide, je pense. C'est un peu thérapeutique pour moi, là, plutôt que d'aller chez une psychiatre. Bon, je suis allé chez la psy aussi, là. mais ça, je sais pas, ça me permet de faire de l'ordre dans ma vie. C'est idiot, mais c'est comme un espèce de classement d'événements qui pour moi m'aide à comprendre le passé, et puis en même temps j'essaie d'en faire profiter le lecteur, puis de faire une histoire avec ça. C'est bien évident, hein? C'est pas un journal personnel, parce que ça je veux dire, je pense pas que je pourrais toucher. J'en ai un journal personnel, moi, ici, que j'écris, qui est complètement privé, mais qui est absolument pas intéressant, tandis qu'ici je fais une espèce de journal personnel, mais il faut pas se méprendre. C'est vraiment très, c'est scénarisé de proche, là, puis c'est chronométré pour que le lecteur quand même y trouve son compte, même s'il y a beaucoup de silence puis de réflexion. J'ai pensé au lecteur avant tout. J'ai pas pensé à m'épancher pour seulement m'épancher puis me plaindre. Là, c'est pas ça qui se passe ici. J'ai essayé de faire une histoire captivante avec un gars perdu, on peut dire, dans la cinquantaine. Oui, puis une situation, en fait, nous amener dans cette situation-là, nous immerger. Vous parlez des silences, mais en même temps, ils sont nécessaires, justement, parce que c'est comparativement peut-être à d'autres albums qui sont très axés sur l'action. Lui, à la limite, on est plus, je dirais pas dans l'inaction, mais c'est dans un autre état, dans une autre ambiance qui nécessite un autre rythme, qui nécessite, j'imagine, aussi de trouver le bon rythme. On parlait du scénario, j'imagine que ça s'est beaucoup joué à ce moment-là pour essayer de trouver, de bien doser. Mm-hmm. En fait, je le considère, je parle de cet album-là comme si c'était mon Bijou de la Castafiore, un peu, parce que Hergé, dans Bijou de la Castafiore, avait relevé un super défi, c'était de faire une aventure à la maison. Et donc, ils sortent pas. T'sais, le capitaine Haddock, il reste là, puis il veut surtout plus sortir. Il veut plus prendre le bateau, il veut pas prendre l'avion, il veut juste prendre son whisky, puis avoir la paix, puis pas se faire déranger. Puis que finalement, cet album-là est un des plus captivants. Je trouve que c'est un beau défi scénaristique. Pour moi, c'est le meilleur, là. Mais il y a tellement il met vraiment de l'avant son talent de metteur en scène dans cet album-là. C'est comme tout est confiné presque dans la maison. Et puis c'est vraiment le texte qui parle, la scénarisation, le chronométrage des scènes, les imbroglios à cause de la surdité de Tournesol. Tout ça, ça amène des événements. Des événements confus, puis ça fait un super scénario très très drôle. Bon, dans Paul à la maison, c'est très très drôle, mais le défi, c'est vraiment de faire une aventure justement qui se passe dans un bungalow de Hunsick, là, sur une rue résidentielle complètement morte, là, et puis de parler au lecteur de l'intérieur. Donc Paul parle souvent de son intérieur. Il déambule un peu dans la rue, mais il va sur la rue commerçante autour. Des fois, on le voit au parc, mais ça aussi, c'est à deux pas de chez nous. Ça, c'est vraiment très domestique. Oui, un huis clos de quartier, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. On le voit aussi faire son métier. Hein. On le voit dessiner. On le voit même dans les conférences. Il donne une conférence dans une polyvalente. J'ai essayé de faire un moment cocasse avec ça, parce que je suis souvent invité dans les écoles, puis des fois, on tombe mal. Je pense que ça pourrait parler aux auteurs, ça aussi. Ceux qui font tourner les écoles, des fois. Bon, mais c'est ça, tu sais, j'ai essayé de... c'est pas des événements si importants avec une grande activité. Ils sautent pas en parachute au Tibet, là, mais il y a de la matière, je pense, assez intéressante pour que le lecteur adhère à cette histoire-là. Et de la trouver, l'histoire, justement, de trouver la bonne histoire pour le lecteur, est-ce que ça doit être, au niveau scénarisation, un bon défi d'éventuellement arriver avec un bon dosage? On se dit, ben OK, on est sur la touche au niveau émotionnel, rythme, ça se tient, on n'est pas trop triste, on n'est pas assez, il y a assez d'humour. Oui. En fait, c'est ça, c'est là qui était difficile. Il y a des scènes que j'ai enlevées. Il y avait des longueurs, il y avait des redites, il y avait des moments qui étaient trop longs, qui étaient trop lourds. Il fallait aussi ponctuer avec l'humour. Fait qu'aussitôt que j'avais une sorte d'anecdote humoristique que je pouvais glisser là-dedans, je m'en suis servi. Il y a quand même pas mal de, il y a des choses. On n'est pas toujours tout seul avec lui. Des fois, on voit sa sœur. Mm-hmm. Des fois, on voit son voisin. Des fois, il est dans une école en train de faire une présentation. On le voit aussi au Salon du Livre parce que là, il est auteur. Donc là, on le voit en train de signer. Ça, je pense que c'est intéressant aussi pour les gens. Peut-être voir comment ça se passe. Dans le fond, une séance de signature dans un Salon du Livre comme à Montréal, c'est quand même assez épuisant. Il y a beaucoup de monde, là. Fait qu'on est un peu dans une chorégraphie d'événements, d'une certaine façon. Dans le fond, il y a le fil rouge, le côté un peu la narration, l'intériorité, le huis clos, si on peut dire. Puis après ça, dans le fond, on essaie de voir, vous avez une banque, si on peut dire, d'événements, d'anecdotes qu'on peut insérer, puis à quel moment on les insère, puis on joue un peu au storyboard pour trouver ça. Oui, il faut jouer au storyboard. Il faut pas penser que c'est improvisé, un album comme ça. C'est étendu sur 3 ans, et puis ça a été écrit, réécrit. J'ai la version 1, version 2, version 3, tout ça avant de dessiner. Là, ça, c'est, moi, je dessine pas. Il n'y a absolument pas d'improvisation là-dedans. C'est trop de boulot pour improviser. J'ai pas envie de scraper des chapitres complets, je peux pas me permettre ça. C'est trop de travail. Fait que j'aime quand tout est bien bien placé, puis ensuite je passe au découpage. Puis il y a eu très peu, dans le fond, de changements depuis mon découpage numéro 1, parce que j'avais quand même pas mal bien canné mes scènes. J'ai juste enlevé une page à un moment donné parce que je parlais de mon voisin peut-être trop en mal. Donc je l'ai enlevé. Question de ne pas nuire trop aux relations. Oui. Et en même temps, j'imagine qu'avec le recul, ensuite, quand on regarde, bon, les pôles, on disait que le dernier Paul à la maison, donc il est plus sombre, la couverture d'ailleurs est noire, et j'ai l'impression qu'on passe du jaune de Paul à la campagne au noir de Paul à la maison, qu'au fil des années, le champ chromatique des couvertures, à tout moins, s'obscurcit un peu aussi. Ben c'est vrai, c'est ce que j'ai remarqué, puis je l'ai même pas fait. C'est vrai, je l'ai pas fait en connaissance de cause. J'ai commencé avec un album jaune, c'est vrai. Et puis tranquillement, au début, je me disais, je vais utiliser les couleurs primaires. Donc, jaune bleu, ensuite rouge, ensuite orange, ensuite bon les couleurs secondaires dans le violet, ensuite les verts. Et puis c'est vrai que si on regarde la série, si on la met toute une à côté de l'autre, on part du soleil à la lumière, à la nuit finalement. On part du jour à la nuit, du jaune au noir, tu sais, puis c'est vrai que la vie du personnage s'étant un peu assombrie comme ça, on le voit peut-être pas tant que ça dans les deux derniers, ils sont plutôt gays, mais je pense que le dernier est, comment dire, up to date, là. On est vraiment à jour avec le personnage, parce que c'est sensiblement encore la même vie que j'ai aujourd'hui qu'en 2012, je suis à la même maison, je suis encore, tu sais, c'est comme, il est toujours séparé, etc., donc je vis seul, ça ressemble pas mal à ça, j'ai juste plus mon chien, là. Il y a quelque chose aussi qui était, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer que le personnage était passé de Tintin au Capitaine Haddock. Je trouve ça assez charmant comme idée. Oui, puis effectivement, c'est même en fait, ça doit être particulier d'avoir pu se transposer un avatar de soi-même, si on peut dire, en différentes étapes, parce que j'imagine que de traiter le personnage de Paul enfant versus le Paul adolescent versus celui de Paul à Québec versus Paul à la maison, c'est le même personnage, mais en même temps, c'est pas vraiment le même personnage, c'est pas la même expérience, c'est pas le même recul, il y a pas la même dynamique de vie, etc., ouais, etc. Oui, c'est vrai. Puis, mais en même temps, si on prend le dernier livre, si on lit tous les livres, on arrive au dernier, on comprend peut-être plus son état psychologique. On connaît son bagage du passé, on connaît même son enfance, son adolescence, on sait qui ont été ses parents, on sait où il a travaillé un été, on connaît même on sait qu'il a été illustrateur, on sait qu'il a été très heureux, très amoureux aussi dans les années 80-90 avec Lucie, tout ça. Il y a quand même eu ça, tu sais, fait que c'est intéressant quand même, c'est intéressant comme exercice. Si on lit tous les albums, on a vraiment la vie complète d'un Montréalais typique. et tout ça, parce que vous avez su justement trouver dans une vie, dans le fond, différents événements, différentes anecdotes, différents contextes qui étaient propices à la narration, parce que j'imagine que c'est le défi quand on choisit de s'inspirer de soi-même pour après ça les créer et s'amuser avec la création. J'imagine l'instinct qui se développe où à un moment donné, par exemple, pour Paul à la maison, vous avez eu l'illumination que, OK, là, il y aurait un livre, là, il y a quelque chose à développer sur quelques pages. Ouais. Mais encore, faut-il avoir envie de parler de soi? C'est un drôle d'exercice, l'autofiction. C'est un peu bizarre quand on y pense. Des fois, des gens qui me font remarquer, ça te gêne pas de parler de toi comme ça, tu sais. Puis des fois, je fais comme, j'y avais pas pensé. C'est vrai que c'est donc bien bizarre. Pourquoi je fais ça? Tu sais, je sais pas trop, mais c'est une espèce de mode d'écriture qui me plaît beaucoup. J'aime bien parler de ce gars-là. C'est cette espèce de personnage qui me ressemble. Je le trouve facile à manier. C'est une espèce de marionnette de moi-même. Je le fais circuler dans des décors. Mais c'est vrai que c'est un drôle d'exercice. Et puis c'est un exercice qui est un peu limité aussi. Tu sais, où tu vas après ça, je suis quand même pris dans cette vie-là, puis je peux pas le faire partir pour le Far West, ou je peux pas l'embarquer dans une fusée. Là. Tu sais, on est vraiment dans le vrai monde. Là. Sa vie, aujourd'hui, est quasiment est à jour. Est à jour, si on peut dire. J'ai pas mal balayé dans les coins du personnage. Je suis allé un peu chercher partout ce qu'il y avait de pour moi intéressant, et pour moi et pour le lecteur, je pense. Là. Je suis allé voir un petit peu dans tous les coins. Fait que, est-ce que l'exercice est limité? Peut-être. Ou à la limite, en fait, j'imagine qu'à un moment donné, c'est un peu comme dans le Paul dans le métro. Donc, c'est des histoires courtes qui nécessitaient pas nécessairement un 100 quelques pages, mais qui ont un intérêt narratif. Donc, c'est de se dire, des fois, il reste des nouvelles, mais plus nécessairement d'histoires longues ou Oui, c'est vrai qu'il pourrait rester des histoires, des petites histoires qui sont, en fait, qui méritent d'être racontées, mais en cours, parce que souvent, c'est des gags ou c'est des petits concepts ou des thèmes qu'on peut pas étirer sur 300 pages là. Je pourrais probablement peut-être aller un peu balayer dans ces coins-là là, mais c'est ça, tu sais, pour des livres longs là, et je pense qu'il va falloir que j'attende un peu que la vie file devant moi plutôt que derrière là. Oui, puis déjà de toute façon que laisser le temps aux choses de se placer, de se passer, d'évoluer un peu comme fait aussi de toute façon, parce que ce livre-là, les événements, vous les avez vécus en 2012, mais il y a eu Paul au parc, il y a eu Paul dans le Nord entre les deux, il y a eu deux albums d'adolescence, dans le fond, avant de plonger dans le moment présent élargi. Exactement. Mais il y a également que, tu sais, j'arrête de m'ostiner avec ce mode-là d'autofiction, je pourrais également faire, je pense, de la bande dessinée ou normal entre guillemets, ou alors je pourrais aller puiser ailleurs ou dans la vie d'autres gens aussi, parce que je connais des gens qui ont des vies tellement plus passionnantes que la mienne. Je pense que je pourrais faire quelque chose avec ça aussi. Ça m'intéresse, là. D'ailleurs, j'ai un peu tâté avec la vie de ma mère. J'ai vraiment raconté la vie de Aline. Donc, Paul n'est pas vraiment enceinte là-dedans. C'est plusieurs pages sur sa vie à elle. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant de raconter la vie de quelqu'un d'autre. Je pense que je pourrais peut-être m'en tirer avec ça si j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Mais okay. Bon, évidemment, moi, j'ai toujours envie de travailler. Fait que un projet va certainement surgir dans un avenir rapproché. Oui, l'impression que les projets naissent un peu justement de l'ennui, de la pause. On prend un break de travail, puis à un moment donné, c'est le projet s'impose de lui-même un peu. Mais vous avez raison, c'est comme ça que je fonctionne, parce que ça se force pas. Tu sais, comme je dis aux gens, assoyez pas à votre table à dessin. C'est pas là que les idées vont venir. Là, c'est vous. Promenez-vous, allez en vacances, apportez un petit carnet de notes, par exemple, dans votre poche. Là, puis si vous avez des idées, là, ben, notez-les dans le métro, dans l'autobus, ou pendant que vous soupez, ou en vous levant le matin. Moi, c'est comme ça que je ramasse mes idées. Je les ramasse dans ma tête comme ça. C'est tout confus au départ. C'est une espèce de salade de petites feuilles. Puis après ça, j'essaye de faire une espèce de truc qui se tient avec ça. Mais c'est toujours comme ça que ça part. C'est jamais l'idée au complet. C'est les livres trop longs. Ça se construit vraiment brique par brique, là. Mais on peut passer une espèce de mood au départ, puis ramasser des idées, puis s'en aller par là. Mais c'est un peu comme ça que je fonctionne, moi. Oui, ben un peu comme au cinéma, ils se font des mood boards souvent avec des éléments. C'est quoi l'ambiance que j'ai envie de transmettre? C'est quoi le point de départ? Puis après ça, tranquillement, on bâtit. Oui, c'est ça, oui, au cinéma, oui, c'est vrai, ça marche comme ça au cinéma. On fonctionne même avec des fiches sur le mur, on les met sur le mur, mais des fois on déplace des fiches. Puis d'ailleurs, quand on a écrit le film avec François Bouvier, on a marché comme ça, on avait des scènes sur des fiches roses en carton sur le mur, puis on les déplaçait, puis on se rendait compte que, oups, ça pouvait être intéressant de déplacer, de changer le temps, mettre ce temps-là, là, puis la scène du début, la mettre à la fin, celle qui est au milieu, la changer de place. Ça, c'est assez agréable à faire d'ailleurs aussi. Et j'imagine que selon l'état d'esprit aussi, je parlais tantôt de Paul au parc, Paul dans le Nord, c'est des albums dans lesquels il y a des événements, évidemment, mais qui sont peut-être un peu plus légers comparativement à ce qui était vécu. C'est peut-être pas en 2012 que vous auriez été dans l'état d'esprit de raconter justement Paul à la pêche, exemple. En fait, il faut comprendre, tu sais, quand on connaît mon histoire personnelle, c'est qu'après Paul à Québec, ça commençait à moins aller entre moi et ma femme, et puis tout ça, puis il se trouve que j'avais plus vraiment envie de raconter des histoires de couple, et puis tout ça, parce que c'était plus dans l'air, là, puis je me sentais pas bien pour mettre Lucie en scène, et puis tout ça. C'est pour ça que j'ai fait une sorte de rewind, et puis je vais aller vers... je suis retourné à l'enfance, dans le fond, avec Paul au parc. Ça m'a permis de travailler deux ans et demi là-dessus. Ensuite, je n'étais pas encore prêt à parler de ma vie actuelle en 2014 ou 2015. Fait que je suis allé vers... je suis retourné en Paul dans le Nord, donc quand le personnage avait 16 ans. C'est deux albums qui sont comme... C'est des albums tampons, que j'appelle, là, qui sont vraiment entre Paul à Québec et Paul à la maison. C'est pas pour passer le temps, mais c'est comme pour pas aborder des sujets familiaux, sensibles, que je suis allé là. Je préférais faire un rewind des années 70. Comme ça, le personnage il connaît même pas Lucie. Là. Il n'a pas d'enfant, il est encore dans la jeunesse. Puis ça me permettait de faire une parenthèse là-dedans. C'est ça, de vivre ce qu'on a à vivre en gardant quand même un aspect travail. Oui, c'est ça, aspect travail, parce que bon, faut bien vivre aussi. Je pouvais pas tomber à la retraite à 45 ans, là, fait qu'il fallait continuer à pédaler un peu. Fait que ces deux livres-là m'ont permis de continuer à vivre. Là. Et puis, mais les gens ne se sont pas rendus compte que, ils s'en sont rendus compte, mais le personnage de Lucie était plus en scène. Donc, quand on arrive à Paul à la maison, là, on a un up-to-date d'où en est le personnage, là. Et la famille, et Lucie, et Rose. Et j'imagine, en terminant, Michel Rabagliati, parce que vous enchaînez évidemment les entrevues depuis la sortie, en fait, à gauche et à droite selon les demandes, ça doit être un album particulier à entre guillemets, à vendre, à porter. Là, vous touchez quelque chose, parce que quand j'ai fini cet album-là, puis je l'ai présenté aux gens de la Pastèque, déjà, j'avais des appréhensions. Je me disais, comment je vais parler de ce livre-là à vendre, justement, parce qu'il faut aller dans les médias, puis tout le monde sait qu'il est question de moi, tout ça. En fait, fait, j'essaie d'éviter. En fait, je me rends compte qu'au fil des entrevues, ce dont je veux pas parler, c'est de ma rupture, en fait, et puis comment ça s'est passé, puis tout ça. Puis les journalistes, bon, comme vous, sont assez délicats pour pas aller là-dedans, puis pour pas me tirer les verres du nez avec ça, parce que ça, je refuse de parler de ça. C'est vraiment privé. Tandis que, bon, là, ce que je présente au public là-dedans, c'est les contre-coups d'une rupture, et puis il est pas question de comment ça s'est passé. J'en parle pas, je veux pas en parler. Et puis j'ai réussi jusqu'à date, je trouve bien, à bien louvoyer pour pas parler de ça. Je trouve ça très privé. Puis c'est mon affaire à moi. Puis je trouve que les journalistes sont bien respectueux là-dessus. Oui, puis d'une certaine façon, en fait, comme vous l'avez dit au départ, dans le fond, l'intérêt, c'est de voir les contre-coups, c'est de voir l'impact que la fin d'une étape, d'une grande étape, peut avoir. Puis c'est, d'un point de vue psychologie de personnage, si on se limite à l'avatar, mais il y a quelque chose d'extrêmement riche à explorer aussi avec ça. Oui, je pense que oui. Puis je pense que ça n'a pas été. Personnellement, j'ai rarement vu ça en un homme, en fait, du point de vue de l'homme. C'est un homme qui se retrouve seul et puis qui raconte son truc de. Qui raconte son. Comment dire ça? Sa solitude et puis comment il vit ça. Souvent, les hommes ne vont peut-être pas autant parler de ça que les femmes. En tout cas, je trouvais que c'était le point de vue d'un homme assez intéressant. Là. Puis, ah bon, un gars de 50 ans, je pense que ça sonne pas mal de cloches chez pas mal de monde, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de commentaires là, depuis que le livre est sorti. Ça rejoint des gens, ils se retrouvent là-dedans. Certains me disent que c'est un calque de leur séparation, etc. Fait que je pense qu'encore une fois, ça vient chercher, tirer des cordes sensibles chez les gens. Pareillement, comme Paul à Québec aussi, à propos des soins palliatifs et puis tout ça, quand quelqu'un part dans la famille. Hein, c'est vraiment des histoires. C'est encore une fois une histoire banale, dans le fond, mais vue à travers ma lentille. Là. Oui, puis en fait, on parle de vie banale, mais je pense que c'est un peu ce que tout le monde a au bout du compte. Là, c'est une vie banale ou une vie normale au bout du compte. Ben oui, tout le monde n'est pas Tintin en Amérique. Exact. Et Michel Rabagliati, merci beaucoup. Merci Raymond, merci beaucoup. À une prochaine. OK, au revoir. Alors voilà, je rappelle Michel Rabagliati, donc, était avec nous pour nous jaser de cet album Paul à la maison. C'est disponible du côté des éditions La Pastèque depuis le 9 novembre dernier. Et en fait, je l'ai mentionné d'entrée de jeu en début d'entrevue, je le rementionne en fin d'entrevue. C'est un très bon album à l'image des bons Paul qu'on a eu l'occasion de lire. Et évidemment, une recommandation de l'équipe ici. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Toujours sur les ondes du 89.1 CKRL, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Je vous rappelle que La Vie en BD, vous pouvez la trouver sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Je vous rappelle également qu'on a un blog sur lequel, entre autres, les émissions se trouvent en balado diffusion, donc lavieenbd.wordpress.com. Et plan de match pour la deuxième moitié de l'émission, c'est de descendre notre pile de bandes dessinées qui s'accumule. J'ai même acheté une nouvelle bibliothèque pour la mettre à côté de mon espace lecture personnelle. Et ben justement, commençons cette descente de pile avec Tom Thompson de Sandrine Revel. Donc Tom Thompson, Esquisse d'un printemps chez Dargo. Bel album d'ailleurs, en fait, d'emblée. Donc nécessairement, en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu obligé de faire du beau quand on s'intéresse à la sphère des arts visuels, quand on nous amène dans la vie d'un peintre, et dans le cas de Tom Thompson, Esquisse d'un printemps, dans la mort d'un peintre également. Donc Tom Thompson, c'est un peintre canadien majeur, donc début 20e siècle. On dit de lui qu'il aurait peut-être amené, on le dit souvent dans l'album, donc il aurait peut-être pu accélérer la marche du Canada vers l'art plus moderne, si on peut dire. Donc on pourrait parler de post-impressionnisme, on pourrait parler d'art nouveau, arts and crafts ou autre. Bref, je m'épargne l'analyse d'histoire de l'art, mais donc simplement pour dire qu'on nous amène donc dans la vie de ce pionnier, mais à travers sa mort. J'ai toujours un peu une petite crainte quand je prends un album qui m'annonce justement une biographie d'un artiste. Je me dis, bon, album biographique, une vie, ça peut être dense. Alors, à un moment donné, il faut faire des choix. Et dans ce cas-ci, bon, on a choisi de commencer par la fin, dans la mesure où, après avoir une production qui est somme toute relativement courte, là, à peu près 5 ans, il est décédé dans des circonstances qui sont un peu nébuleuses. Et on décide justement d'explorer les conséquences nébuleuses de sa mort, et ça devient pratiquement un thriller. Même à la limite, on pourrait faire abstraction du fait que c'est une figure historique réelle, et on se retrouverait dans un thriller extrêmement bien équilibré, où on oscille entre un présent où on va creuser un peu les circonstances du décès, donc une enquête, on va partir à un moment donné avec une pelle, on va aller essayer de creuser pour trouver le corps et le reste. Donc, on a cette dimension-là. En parallèle, évidemment, on suit ces derniers jours, ces derniers mois, pour essayer de retracer à l'autre bout, donc par le moment où il était encore vivant, donc ces derniers jours, pour placer un peu les éléments de son décès. Et à travers tout ça, on rajoute donc différentes autres temporalités. On nous amène donc à différents moments importants de sa pratique, importants de sa vie, à travers des anecdotes, à travers des correspondances, à travers différents outils où on sent, ben, évidemment, l'assise historique de la chose, mais sans perdre l'assise narrative de la chose. Et donc, ça fait quelque chose qui est diablement bien équilibré, et ça fait quelque chose où on ne se sent pas non plus accompagné d'un point de vue pédagogique dans la découverte de Tom Thompson, où on a quand même diablement envie, après lecture, d'aller sur des sites muséaux divers et de voir les œuvres et de comprendre et de pousser un peu plus la connaissance et la compréhension de Thompson au-delà des éléments qui nous sont saupoudrés ça et là à l'intérieur de l'album. Et en même temps, bon, on a l'impression donc d'avoir pu vraiment plonger dans un thriller narratif phare et solide. Et tout ça dans le contexte d'un album qui est très très beau également, des gouaches, de l'huile, de l'aquarelle, une atmosphère, une belle froideur, mais en fait il y a une belle richesse dans cet album-là, sincèrement. Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, j'ai été agréablement emporté par le récit de Sandrine Revel. Si vous avez l'occasion de le croiser en librairie, jetez-y un œil. Donc Tom Thompson, Esquisse d'un printemps, c'est chez Dargo, c'est de Sandrine Revel. Et puisqu'on est un peu dans le méditatif, je me permets de faire un petit clin d'œil sur un album de Guy Delisle, en connivence avec Jean Eschenault, qui est arrivé du côté des éditions Pow Pow. Une bande dessinée, un livre d'illustration, appelons-le un peu comme on veut. Là, on est évidemment plus dans le contexte du récit, du livre illustré que du récit. Donc, on essaie de faire des correspondances, donc entre l'évocation dans un livre d'Eschenoz, donc d'un lieu, d'un endroit, d'un instant partagé avec l'endroit dans la sphère urbaine, et avec le dessin du lieu, donc une esquisse croquée dans cet endroit-là. Je faisais le pont un peu entre les deux, en fait, ou un segway un peu maladroit, mais dans la mesure où dans Tom Thompson, il y a des moments qui sont très contemplatifs, qui sont très beaux, des pleines pages d'ailleurs, très réussis, eh bien, je retrouvais peut-être un peu une ambiance similaire, d'une certaine contemplation, donc où on nous résume le lieu en une citation de quelques mots, de quelques phrases. C'est quand même très court, les extraits qu'on va chercher, qui sont complètement, d'ailleurs, désincarné du livre dans lequel elle se plaçait. Quelqu'un qui ne connaît pas Eschenoz va simplement prendre la description à regard direct, où on nous dit quelque chose du genre « Rue des Convalescents, dans un renfoncement du boulevard d'Athènes, après le coin de la rue des Convalescents, Meyer savait bien qu'il se trouvait l'hôtel du Soudan devant lequel il marqua 3 secondes d'hésitation. » Ça, c'est le contexte. Et de l'autre côté, ben, on voit justement le lieu où le personnage devait se trouver lorsqu'il a vécu cet instant-là. Donc, on est dans une dynamique de contemplation, dans une dynamique d'exploration urbaine entre Paris, Clichy, Saint-Brieuc, New York. Donc, on se promène avec des dessins un peu plus bleus, avec certains quartiers qui reviennent, certaines rues qui sont peut-être plus omniprésentes. Et ben dans le fond... simplement des instants captés comme ça, donc justement avec un côté méditatif. Si vous avez envie justement d'un livre de croquis mais avec cette dimension contextuelle-là, si vous êtes aussi un lecteur de Schnoz ou Eschnoz, j'ai aucune idée comment le prononcer, j'en suis désolé, ben encore là, il peut avoir quand même un intérêt. Pour les autres, ben ça dépend toujours de votre relation avec un livre de croquis. Donc, si vous appréciez ce type de proposition-là, nécessairement, vous allez trouver quelque chose d'intéressant. De Lille a quand même une belle capacité de croquis architecturaux, comme il avait fait d'ailleurs dans Croquis de Québec dans le passé et dans d'autres ouvrages. Si c'est quelque chose qui vous allume moins, ben évidemment, vous n'y trouverez pas votre compte, mais pas du tout. Je fais une autre parenthèse, en fait, parce que j'ai fait du ménage. J'ai acheté ma bibliothèque et j'ai fait du ménage. Et je suis tombé sur un bouquin. Et, veux pas, des fois, on en prend, on feuillette. Et j'avais lu, justement, le Paul à la maison dans ces eaux-là. Et je suis retombé sur un album de 2018 que j'avais complètement échappé, de Félix Crépeau aux éditions de La Grenouillère. Ça s'appelle Une peine d'amour. Et on jasait en entrevue tantôt où on se disait, ben, il y a pas tant de livres que ça sur la rupture amoureuse, mais du point de vue masculin, du point de vue de l'homme, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe après, comment on vit tout ça. Et ben essentiellement, c'était l'objet du livre de Félix Crépeau, dans la mesure où lui avait tenu, après Une peine d'amour, un blog où il relatait un peu ce qu'il faisait, comment il se sentait, et comment ça se déroulait, dans le fond. Donc, un peu façon journal intime, journal blog, comme ben, y en a des masses qui se sont faits et qui se font. Et je trouvais intéressant de vous signaler excessivement un retardement. J'aurais dû vous en parler l'an dernier ou l'année d'avant. Mais bon, on fait ça quand on peut ou quand on retrouve. Mais j'ai trouvé sympathique, justement, le côté, bon, dans le contexte d'une rupture d'un personnage plus jeune et aussi dans un autre contexte, dans un dialogue un peu technologique aussi qui s'installait avec le lecteur. Donc, on se retrouve vraiment plus dans le blog. Mais j'aimais le contexte et le concept de partager un peu cette expérience-là également. Et je trouvais que ça ferait une belle complémentarité de points de vue. Donc, si vous avez parcouru là, le Paul à la maison, tombe un peu dans cette ambiance-là, mais vous avez envie de poursuivre un peu dans cette exploration de l'état d'esprit de l'homme en perte de repère, ben, Une peine d'amour peut être un complément sympathique, là, dans la mesure où c'est bien exécuté, c'est du croquis, c'est fait quand même rapidement, ça semble faire rapidement à tout le moins, je ne veux pas insulter personne, mais ça reste efficace. Donc, si vous avez l'occasion de le croiser également en librairie, ben, jetez un coup d'œil. Je vous en aurai parlé à retardement, mais à tout le moins, je vous en aurai parlé en cours de route. Je reprends ma respiration. J'ai l'impression que je parle très, très vite. Ma pile est encore abondante à côté de moi. On se revient dans une petite minute. On change de sujet, toujours à la vie en BD. D'ailleurs, je mentionne que c'est Lifeform avec la trame sonore de Fast Fall qui nous accompagne cette semaine côté 8 bits. On est dans 8 bits un peu plus méditatif. Je trouvais que la thématique de l'entrevue principale de l'émission s'y prêtait bien. Peut-être allons vers le jeunesse. Quelques mentions, notamment, en fait, Zorglub, nouveau tome, Lady Z. Alors, en fait, vraiment, si on se demandait si la série Zorglub était capable de survivre à son retrait du rôle de méchant vers le rôle d'anti-héros, si on peut dire, eh ben Munuera, vraiment, là, nous rassure. Une belle histoire de ce côté. Ça fonctionne très bien. Et essentiellement, on s'amuse à jouer un peu avec le clonage. Donc, Zorgloob qui développe un outil, un appareil qui permet essentiellement de cloner. Donc, on s'amuse à essayer de développer une armée de clones, finalement, pour se rendre compte que chaque clone a un peu sa personnalité propre ou, en fait, a un aspect de la personnalité de Zorgloob qui est peut-être un peu plus dominant. Et éventuellement, eh ben, il va avoir un côté dominant qui sera celui, le côté féminin. Donc, ce sera un Zorgloob femme qui jaillira. Et ça changera peut-être un peu la dynamique, surtout qu'elle va quand même chercher du génie du personnage initial. Et donc, comparativement aux autres clones qui n'ont pas nécessairement cette aptitude-là. Et donc, ça change également la dynamique et les jeux de pouvoir à l'intérieur du récit. Tout ça avec plein de choses qui se passent également autour. Mais bref, c'est vraiment une belle surprise de mon côté. Je suis pas quelqu'un qui a une grande relation avec Spyro et Fantasio. Alors, si on prend l'album simplement hors du contexte là, de la grande série, ça fonctionne bien, c'est rythmé. Des personnages sont très expressifs. Beaucoup de rebondissements et on rattrape aussi rapidement le contexte, la nature des personnages, donc de manière efficiente. Et évidemment, c'est le genre de trucs qui ont une valeur encore plus grande pour ceux qui ont une relation très proxime avec Spyro et Fantasio et les personnages de cet univers-là. Moi, j'étais plus du genre Astérix quand j'étais jeune, alors j'ai d'autres types de relations avec des personnages, mais donc si vous avez l'occasion d'y jeter un œil, Zorgloob, Lady Z, sincèrement, ça fonctionne bien, c'est rythmé, c'est dynamique, c'est mordant, et c'est peut-être meilleur que les précédents de ce que je m'en souviens pour les avoir croisés également au fil des lectures. Et puisqu'on est dans le jeunesse, je me permets aussi de faire un clin d'œil à Velm qui arrive avec un premier album d'une nouvelle série jeunesse qui s'appelle L'Agra au bas, le grand retour. Donc c'est du côté d'édition Michel Quintin. Michel Quintin, comme d'autres éditeurs, semble avoir mis une emphase particulière sur les séries jeunesse. Donc Quintin avec Gibi entre autres avait bien défriché le terrain. Il y a d'autres séries qui ont apparu au fil du temps, entre autres Humerlin qui en est également un tome 2. Et donc Velm qui, après avoir fait une série un peu plus vieille, si on peut dire, donc plus intrigue amoureuse avec la première, donc nous arrive avec un récit de pirate. Donc on se retrouve dans un univers où il y a une jeune fille, donc 13 ans, qui en fait se retrouve, on pourrait dire héritière en fait d'un navire pirate et d'un équipage aussi, un équipage assez varié, mais évidemment un équipage aussi assez âgé, puisque au-delà de l'épisode initial qui nous campe un peu le contexte de la quête qu'on va suivre au fil du récit, eh bien, on se retrouve vraiment plutôt plusieurs années après les heures de gloire de l'équipage, mais il restait un élément à régler, une quête à finaliser, et c'est cette quête-là qu'on va aller faire. Donc, la jeune fille de 13 ans accompagnée d'un équipage de pirates, un brin gériatrique. Donc, déjà, une dynamique humoristique qui se place assez rapidement, donc comment va-t-on se comporter ensemble? Évidemment aussi, l'âge et le jeu des caricatures permet d'aller chercher des personnages qui sont quand même assez hauts en couleur également. Alors, on nous propose quelque chose qui met bien la table sur d'abord une ambiance, une dynamique entre les personnages, avec beaucoup les travers de ceux-ci, avec les côtés plus mordants également de ceux-ci. Donc, un tome qui... intrigue, en fait, qui donne envie de voir comment la série va évoluer au fil des récits, au fil de la quête, au fil des rencontres, au fil des enjeux qui vont grandir, mais j'ai trouvé que ça donnait un bon point de départ. Alors maintenant, je suis curieux de voir comment ça va évoluer. Si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, donc ça, c'est L'Agra au bas, le grand retour. Et j'en profite également pour mentionner que également chez Michel Quintin, la première est sortie en version intégrale couleur. J'avais parlé déjà des deux premiers tomes, et j'ai complété en fait le troisième avec cette intégrale également. Et je trouvais que c'était une belle représentation d'une première perte d'amour. Vraiment, c'est la thématique de l'émission aujourd'hui au fil des commentaires et des entrevues. Donc, on joue un peu avec justement la perte d'amour, la reconstruction, reformer les repères et le reste, et beaucoup à travers justement une relation entre colocataires, donc Alex et Xavier. Donc, le premier tome qui était très centré sur la relation entre Xavier et Eve. Le deuxième tome où on allait chercher plus les relations entre les deux colocataires, finalement l'histoire d'amitié qui jaillissait après l'histoire de rupture. Et là, tranquillement, ben, on voit un peu comment chaque personnage, ben, reprend à sa façon le contrôle de son existence, se force d'une certaine façon ou est mis en position de pouvoir faire des choix, de pouvoir choisir de s'affirmer, pouvoir choisir de se mettre ou se remettre en action et ben, tranquillement d'arriver à un nouveau point. Donc vraiment, l'arc est complété et on voit ben, d'un côté l'importance, oui, du premier amour, mais l'importance aussi de cette première rupture-là dans la construction de qui on est, de qui on devient. Et c'est une série que j'avais trouvée bien, bien sympathique dans sa première version et qui est tout aussi sympathique dans sa deuxième version d'ailleurs. Alors si jamais vous n'avez pas jeté un œil à cette série, ben faites-le. Elle est désormais en intégrale. Et peut-être dernier petit clin d'œil au passage, pour changer de sujet, en fait, au-delà des peines d'amour qui sont légion cette semaine, mentionnons aussi l'existence de Nausées matinales et autres petits bonheurs. Ça, c'est de Boom. C'est du côté des éditions La Pastèque. Je dois avouer, je ne savais pas exactement à quoi m'attendre dans mesure où Boom avait beaucoup exploité sa maternité, en fait, autant dans la période de la grossesse que dans la période de l'enfance, à travers ses boomeries, son superbe et sympathique blog BD qui est encore actif pour quelques mois. Là, je pense qu'elle va elle va indiquer d'ailleurs sur Facebook se préparer à clore cette période de sa création. Mais bref, tout ça pour dire que en voyant un peu arriver à annoncer ce livre du côté de La Pastèque, je me disais, ben est-ce qu'on va se retrouver dans le contexte d'une version un peu inspirée du blog, donc plus une histoire de grossesse, mais finalement on est peut-être un peu plus dans cette tangente qu'avait pris La Pastèque après un temps avec la liste des choses qui existent, Medinky et les autres, donc du guide pratique, donc de la BD qui vulgarise, qui accompagne. Alors on a essentiellement un livre de grossesse où on y va avec différentes étapes, différentes anecdotes autour des symptômes, des impacts, des conséquences de la grossesse. Donc, les clichés au-delà des non-clichés, donc comment les positions pour faire l'amour, l'impact sur les cheveux, l'impact sur le ronflement, l'impact sur le couple, l'impact sur le corps, les ongles, l'alimentation... le ressenti, les mouvements du bébé. Donc, on joue un peu avec ces dimensions-là, évidemment par trimestre et évidemment avec beaucoup d'humour. Alors, c'est le genre de bouquin qui se lit bien, qui se feuillette bien, le genre de truc qu'on laisse un peu traîner, j'ai l'impression. Et d'autant plus, ben, si justement on a des amis en situation d'eux et qu'on cherche quelque chose de rigolo à proposer, ben ça peut être intéressant à amener. Et si ben vous êtes passé par là, ben c'est clair qu'il y a des éléments qui vont être amenés par Boom, qui vont susciter le clin d'œil, la réaction et amener quelques suites, ça, il va sans dire. Alors, voilà pour ces quelques clins d'œil du côté des albums. Évidemment, j'en ai encore plusieurs autres, donc ce sera un défi prolongé d'éventuellement réussir à descendre intégralement mes piles. Mais donc, pour ce livre sur la grossesse, ça s'appelle Nausées matinales et autres petits bonheurs. C'est de Boom, c'est bien humoristique et c'est du côté des éditions La Pastèque. Avant de se laisser, je m'en voudrais de pas mentionner quelques actualités récentes de la sphère BD. Il nous reste presque une minute et demie ensemble encore. Alors, je vous mentionne, mais surtout, je vais vous référer vers le Facebook ou vers le blog, donc facebook.com/lavieenbd ou lavieenbd.wordpress.com. On vous mentionne notamment les 15 titres en compétition pour le Grand Prix de la critique ACBD 2020. Alors, vous avez Dans un rayon de soleil de Tilly Walden, Dans la tête de Sherlock Holmes, L'affaire du ticket de Benoît Dahan et Cyril Lérion, Les deux vies de Pénélope de Judith Vanistendael, In Waves d'A.G. Dungo, Les Indes fourbes de Joanjo Garnido, Le loup de Jean-Marc Rochette, Les nymphes et as noirs de Didier Casgrain et Fred Duval, Nouveau contact de Bruno Duhamel, Le patient de Timothée Leboucher, Préférence système d'Hugo Bienvenue, Le rapport W infiltré à Auschwitz de Gaëtan En Noc et Révolution, le premier tome de Yoon Locard et Florent Graswell. Le roman des Goscinny de Cattel, Sansot d'Alfred et Spirou, L'espoir malgré tout. Un peu plus loin vers l'horreur d'Émile Bravo. Alors, une sélection des journalistes de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, donc 97 journalistes du Québec, de France, de Belgique, de Suisse, qui ont partager un peu leur coup de cœur sur les sorties, évidemment, européennes et qui ont fait cette sélection. Il y aura ensuite une deuxième sélection de 5 albums avant d'en arriver au Grand Prix de la critique. Alors, ce sera à suivre de ce côté. Et je mentionne que si vous allez faire un tour aussi sur le web, vous allez tomber, c'est un peu inéluctable, sur la sélection officielle d'Angoulême. Je vous épargne 5 à 10 minutes d'énumération des différents titres qu'on y retrouve, mais ça reste un peu comme la liste ACBD, des belles idées, des belles propositions de lecture. Alors voilà pour cette semaine à la vie en BD. La semaine prochaine, c'est en mode club de lecture qu'on se retrouve avec le Zoomorphisme en BD, une sélection d'Édouard Tremblay. J'ai très hâte de la lire et d'en discuter avec mes collègues du club et avec vous. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.